Chapitre 14e. Pistache revient en faveur. La famille Jujube est à table et déjeune. Naturellement, on cause du futur mariage, des emplettes à faire, du trousseau à acheter. Entre la bonne portant des lettres. « Les lettres que le concierge vient de monter, » dit-elle. « Il y a une lettre de deuil, » fit Madame Jujube. « Qui donc est mort ?» demanda Thalie en prenant la lettre, pendant que son père ouvrait sa correspondance. « Ah ! » s'écria-t-elle, après avoir jeté les yeux sur la lettre de deuil, « Monsieur Pistache. »« Hein ? Qui est mort ?» firent les deux époux. « Non, c'est lui qui envoie ça. » Et elle lut. « Monsieur Pistache a le chagrin de vous annoncer la perte cruellement douloureuse qu'il vient de faire dans la personne de Monsieur Jean-André Romarin, son oncle, qu'il n'avait jamais vu. »« Et il a tant de chagrin que cela ?» observa ironiquement Jujube. « Il a ajouté quelque chose à la main, » dit Athalie, et elle lut. « Il a, par la même occasion, le plaisir de vous annoncer que cet excellent oncle lui a légué une somme de 200 000 francs. » Madame Jujube s'exclama. « 200 000 francs ?» Jujube, qui à ce moment ouvrait une lettre, allait s'associer à l'exclamation bien naturelle de son épouse. Mais un coup d'œil jeté sur les premiers mots de la lettre lui arracha un cri d'un tout autre caractère. « Qu'est-ce donc ?» demandèrent les deux femmes inquiètes. « Ton futur grièvement blessé en duel, » répondit-il d'une voix altérée. « C'est sa tante qui m'annonce ce grand malheur. »« Toujours nos chances, » gémit la mère. Athalie pâlit, fut prise d'un tremblement nerveux, puis éclata en sanglots. « Ça devait lui arriver, » dit le père, en marchant avec agitation. « Un tapageur, un viveur, un cerveau brûlé. » Madame Jujube, elle, consolait sa fille. « Tu sais bien ce que c'est que les duels, » lui disait-elle. « Les journaux en rendent compte à chaque instant, et ils n'ont jamais de suite grave. Dans 15 jours, ce pauvre garçon en sera guéri. »« Tu n'as donc pas entendu ce que j'ai lu ?» hurla Jujube. « La lettre porte grièvement blessée. »« J'ai entendu, mon ami, mais sur le moment, une blessure paraît grave et... »« Je vais le voir, » dit Jujube. « Ne sois pas longtemps, papa, » supplia Thalie. Jujube sortit précipitamment sans lui répondre. « Ne te désole donc pas, » continua la mère. « Je te dis que ça ne sera rien, tu verras. » Puis, au doute exprimé par les mouvements de tête de sa fille, elle ajouta, en femme positive qu'elle était, « D'ailleurs, mettons les choses au pire. Supposons que le pauvre garçon meure de sa blessure. « Oh, maman, ne dis pas ça !» sanglota l'inconsolable Athalie. « C'est une simple supposition. Eh bien, n'oublie pas que Pistache a hérité de 200 000 francs. Ne parle plus de lui, je n'en veux pas. Pourtant, 200 000 francs, quand comme toi, on n'a pas de dot. » Athalie trépigna de colère en répétant « Je n'en veux pas, je n'en veux pas !» Madame Jujube continua. « D'autant plus qu'avec cette fortune, il n'aurait pas besoin de rester dans la pharmacie. Et ton père, alors, qui n'avait que cette objection... » Pour en finir, Athalie quitta brusquement sa mère et s'en alla pleurer dans sa chambre. Jujube ne tarda pas à rentrer. Il était furieux. « Eh bien ?» lui demanda Madame Jujube avec empressement. Puis, voyant son air irrité, « Mais qu'as-tu donc ? Tu as déjà été raconté à tout le monde que ta fille faisait un riche mariage ? Moi ? Mais... » « Je viens de rencontrer M. et Mme Blavin qui m'ont félicité. »« Je leur ai confié des amis. »« Confié ? Et ils l'ont répété, ça se sait partout. »« Et ton prétendu gendre est très gravement blessé. »« On ne peut pas le voir. Défense absolue des médecins. »« Oh mon Dieu !» gémit Mme Jujube. « S'il allait mourir. »« C'est à craindre. Et on se moquera encore de nous. »« Comme pour les autres gendres qui nous ont ratés. »« Car chaque fois, toi et ta fille, c'était la même chose. »« Vous ne pouvez pas taire votre langue. » « Mais mon ami, cette fois, tu m'as dit toi-même avoir annoncé le prochain mariage d'Athalie. À ce méchant savant, ce cuistre, à ce monsieur de Catepus, à qui il faut des dots, oui, je l'ai rencontré, et je me suis offert le plaisir de lui annoncer. Tout le monde à ma place en aurait fait autant. Toi, quelle raison avais-tu ? Mais c'est Athalie qui en a parlé la première. Athalie aussi, oui, vous êtes toutes les mêmes. Et si ton futur gendre meurt, comme c'est à craindre, nous voilà encore avec notre fille sur les bras. » « Non, mon ami, si tu le veux bien. » Et elle rappela l'amour de Pistache pour Athalie et l'héritage qui lui permettrait de quitter la pharmacie. Jujube ne répondit rien. C'était déjà un pas de fait, et quand sa femme ajouta qu'Athalie ne voulait pas qu'on lui parlât de ce jeune homme, le petit tyran reparut, déclara qu'il n'admettait pas la résistance d'une fille aux volontés de son père. que sa volonté, il l'imposerait, si besoin était. En tout cas, ajouta-t-il, envoie nos cartes à ce jeune homme, avec un mot de sympathie. Madame Jujube comprit que sa cause était gagnée, et qu'avec l'un ou avec l'autre, on avait enfin le placement d'Athalie. Et aussitôt, suivant le désir de Jujube, elle prit les trois cartes de visite, écrivit quelques mots affectueux sur chacune d'elles, puis elle envoya immédiatement Galfâtre, le concierge, les porter à leur adresse. Pistache fut au comble de l'émotion en voyant cet empressement de la famille Jujube, et particulièrement la participation du maître de la maison à cette manifestation sympathique. « Remerciez de ma part, je vous prie, » dit-il au concierge, « monsieur et madame Jujubes, dites-leur que j'ai été très sensible à leur preuve d'amitié. »« Bien, monsieur, je n'y manquerai pas. » Puis Galfâtre ajouta, « monsieur est sans doute invité à la noce. »« À la noce, quelle noce ?»« Celle de mademoiselle Jujubes. » Comment de mademoiselle ?» Et le pharmacien, abasourdi, n'eut pas la force d'achever, mais pensant qu'il s'agissait de son propre mariage, il se mit à rire. « Ça se sait donc déjà ? » demanda-t-il. « Toute la maison le sait, » répondit Galfâtre. « Ah ! » fit notre pharmacien radieux. « Ah, vous me faites bien plaisir. Tenez, voilà 20 francs pour cette bonne nouvelle. »« Oh, monsieur, trop bon ! Je croyais que monsieur savait ça. » « Je savais que la demoiselle et sa maman voulaient bien, mais c'est monsieur Jujubes qui ne voulait pas. »« Ma foi, » répondit Galfâtre, « il avait bien raison, donner sa fille unique à un viveur, un coureur. »« Ah, mais dites donc, vous, c'est pour me remercier de mes 20 francs que vous me dites ça ?»« Ah, c'est vrai, monsieur, je ne me rappelais plus que vous étiez l'ami de ce monsieur. »« Ce monsieur, quel monsieur ?»« Eh bien, monsieur Bengali. » Pistache resta anéanti. « Bengali ?» balbutiait-il. « Bengali ? Vous ne savez pas qu'il doit épouser cette demoiselle ?» Ces questions restant sans réponse, Galfâtre sortira sans que sa sortie fût remarquée par Pistache, restait les yeux fixés, l'air ahuri. « Ah ! » se dit le pauvre amoureux, « je comprends maintenant pourquoi on ne me recevait pas quand il était là. » Galfâtre venait de rentrer à sa loge quand Madame Jujube, qui à ce moment venait du dehors, lui dit « « Comment ? Vous n'avez pas encore porté les cartes ?»« Pardon, madame, j'en viens. Vous avez trouvé la personne ?»« C'est au monsieur même que j'ai remis les cartes, même que ce pauvre jeune homme est dans un chagrin. De la mort d'un oncle qu'il n'a jamais vu et qui lui laisse 200 000 francs. »« 200 000 francs ?» s'écrie Galfâtre. « C'est donc ça que dans sa joie il m'a donné 20 francs ?»« Dans sa joie ?» fit madame Jujube, surprise. « Vous venez de me dire qu'il était dans un grand chagrin ?»« Oh ! Le chagrin est venu après les 20 francs, quand je lui annonçais le mariage de mademoiselle. » Madame Jujube bondit. « Vous lui avez... » La colère l'empêcha d'achever. « Dame, étant l'ami du marié, je croyais qu'il était invité à la noce. » Et la brave dame, exaspérée, « Mais comment connaissez-vous nos affaires de famille ? Qui vous a parlé de ce mariage ? » ?»« Madame, c'est mademoiselle elle-même. » « Ah, mon Dieu !» murmura Madame Jujube. « Allez compter ça jusqu'au concierge. » « Il n'y a rien dans tous ces ragots que des pourparlers qui n'aboutiront même pas. »« Dame, madame, moi je... »« En voilà assez, pas un mot de cela à personne. »« Et tout d'abord, vous allez courir me porter une lettre à monsieur Pistache. »« Je vais la faire. Venez la chercher dans 10 minutes. » Et elle monta chez elle en toute hâte. Une demi-heure après, Pistache recevait une lettre ainsi conçue. « Il n'y a rien de vrai dans ce que vous a dit mon imbécile de concierge. » Il vous a rapporté des potins de voisinage, établis sur les visites que nous a fait M. Bengali, comme nous en font à tous nos amis. Et d'ailleurs, le pauvre jeune homme est peut-être mort, à cette heure, d'une blessure qu'il a reçue hier en duel. Venez me voir, nous causerons.